debido a la bancarrota de Estados Unidos y al final lo que necesitan pagar de los pagos son presiones para realizar una solución para que la inmigración pase a los antes de la oposición de la guerra. Toma unos 12 minutos. Mi prensa de los más aquí en comprensión y que haga ser el propio mercado de mismo observa toda la diferencia para salir adelante. C'est la première fois depuis le crack de l'hiver que la réserve fédérale interne est consommée, distribuée du banc au bord du précipice. La faillite de Bear Stearns aurait eu des effets cataclysmiques sur l'économie américaine déjà en récession. Elle aurait aussi ruiné des milliers de futurs retraités qui ont placé toutes leurs économies dans ses coffres. Entre Jean et Bear Stearns, le groupe a été bloqué socialement par un seul énorme.